des thèmes, en fait tout était quand le rap était vrai. Ici on a fait le tour des thèmes, en fait tout était quand le rap était vrai. Arrête les fous tes thèses, vu que les enfants détestent sur le profond des textes. Ne confonds pas ce qu'on fait et les bouffons qui testent. Moi je suis contre personne, je ne veux pas clasher quiconque. Mais trop de bananes dans l'industrie, ils méritent son cachet quiconque. Faut qu'on détruise les mythomanes dans l'industrie, nous mettent mal. On aime les strings et Montana, on a du style genre Method Man. T'as vu, ça trouve pas rond, y'a pas de quoi s'éterniser. Trop de rappeurs s'inventent une vie me provoquant certaines nausées. Arrête le mensonge, tu n'as aucun cerveau toi. T'es un joueur de flûte, on peut faire un conservatoire. Cousin GG, cupal, mais moi GG, écoute pas. Les faux et dans le vrai, je peux juger coupable. Souvent mon rap ne choque pas, mais mes paroles sont véritables. Je reste droit dans ma conduite de vie, tout comme ma vie en retard. Stop au mytho, rap à mi-temps, on a les crocs. Fini le show, il était temps, laissez les pros. Stop au mytho, rap à mi-temps, on a les crocs. Fini le show, il était temps, laissez les pros. On a fait le tour de la question, le rap m'a dit, le rap ma vie, le rap m'envie mon répertoire, car tous les thèmes on les a écrits. Plus 10 ans au compteur, trop de mes 10 ans on pleure. D'un flow sensible, crédible, trop deep dans vos écouteurs. J'fais le tour du son, du con, du fond, du cœur. Nos textes sont sincères parce que c'est ça notre vrai moteur. Menteur, pas de motif, j'suis personne dans ce bas monde. Rappeur, pas de motif, j'resterai moi-même sur les ondes. On fait le tour de mon discours en bas des tours, ça veut des thunes, ça veut de la notoriété pour imiter, pour briller comme la lune. Comme la fume, je t'enrhume, t'as trop besoin d'un doliprane. Quand j'affûte ma plume, mais ton écharpe, t'as mal au crâne. Tu ris, tu crains, tu crées des fun, tu fais des fautes dans les enceintes, tu fais du zèle, tu fais de la peine et c'est Marie me quitte esquin. Mais c'est un escar, on a fait le tour des caisses claires. Est-ce clair qu'on a pas fait ça pour vous plaire? Stop au mytho, rap à mi-temps, on a les crocs. Fini le show, il était temps, laissez les pros. Stop au mytho, rap à mi-temps, on a les crocs. Fini le show, il était temps, laissez les pros. Stop au mytho, rap à mi-temps, on a les crocs. Fini le show, il était temps, laissez les pros. Stop au mytho, rap à mi-temps, on a les crocs. Fini le show, il était temps, laissez les pros.